Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent. J'avais tellement peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Yeah.